ça t'emmerde grave, hein. Yeah. Ça t'emmerde grave. Que nos gueules soient trop ouvertes ou nos langues trop déliées. Si le ciel est sombre, c'est que le sol est crade. Et que dans la fosse, y'a des milliers de lions qui n'attendent que de défoncer les strates. Ça fait des vendettas, afin d'être endetté. Très peu de plans d'épargne sont faits dans l'honnêteté. Ça vole les vendettas, tout arrive dans les temps. Le plus futé des gars peut se faire buter bêtement. Ça fait des grands départs, pourquoi y'a plus d'argent? Plus de tabous, plus de climat. Pourquoi très peu d'amoureux pour beaucoup d'amants? Appeler au secours est-elle la seule issue qui marche? Ouais, ça gratte que des textes sales. Car il s'agit plus d'un jeu, quand ça crie fort sauf qui peut. C'est bien connu, même les chefs le savent. Le pouvoir du peuple, qui peut tester ça? Ça gamberge grave sur le danger des gangsters qu'on met en scène ou sur un piédestal. Ça fait péter les stands, mis sous survêtement à l'ancienne. Mais personne ne danse mieux qu'un pied d'esclave. Ça fait flipper les stats ou ça t'aide à avancer. Mais même quand ça connaîtra les plus détestables des dossiers de l'histoire, quand même on voudra s'ambiancer en concert. Car qui peut tester ça? Qui? Why? Why, why, why, why? Ça. Qui, hein, osera dire qu'il peut tester ça? Quoi? Rien, ni personne ne peut tester ça. Sans tête, songe, cherche, plonge ou se perche en espérant pouvoir changer le monde. Se balade en quête de sommet, monte, mais la bouche sèche et l'ascension est longue. Donc normal si ça touche, fonce, gerbe, se trompe ou se perd avant de sonner le gong. L'important c'est que la coupe qu'on t'écoute, cher, et qu'il y a des conséquences à vouloir être écouté sur les ondes. Merde, merde, ça, sans tête, songe, cherche, plonge ou se perche en espérant pouvoir changer le monde. Se balade en quête de sommet, monte, mais la bouche sèche et l'ascension est longue. Donc normal si ça touche, fonce, gerbe, se trompe ou se perd avant de sonner le gong. L'important c'est que la coupe qu'on t'écoute, cher, et qu'il y a des conséquences à vouloir être écouté sur les ondes. Tout le monde. L'amour du public, celui que l'on sème, est ce truc qui nous unit, qui peut tester ça? La magie de la musique, le pouvoir de la scène, et ceux qui nous lient, qui peut tester ça? Qui? Hein? Osera dire qu'il peut tester ça? Quoi? Rien, ni personne ne peut tester ça. Why? Why, why, why, why? Why? Why, why, why, why? Rendez-nous nos concerts. Les salles sont trop vides. Désolé, je suis vulgaire, mais ce soir on voit que le cancer. Et on nique le Covid.